Deuxième pilier, l'iman billah, la croyance en Allah. Quant au deuxième des piliers de At-Tawahid, il s'agit de la croyance en Allah l'unique. La croyance en Allah consiste à croire en Allah et à l'unifier dans ses actes de seigneurie, dans ses noms et attributs, et à l'unifier à travers tous les actes d'adoration qui lui sont dus. La croyance en Allah se compose de trois parties. Première partie, la croyance en la seigneurie d'Allah. Cela consiste à croire aux actes de la seigneurie d'Allah qui lui sont exclusifs, tels que la création, le pourvoi aux besoins, la législation, entre autres. Il faut lui reconnaître ses actes exclusifs et l'unifier sans attribuer aucun acte à autre que lui. Le Très-Haut a dit, c'est Allah qui vous a créé et vous a nourri. Ensuite, il vous fera mourir, puis il vous redonnera vie. Y en a-t-il parmi vos associés qui fasse quoi que ce soit de tout cela? Gloire à lui, il transcende ce qu'on lui associe. Sourate 30, verset 40. Deuxième partie, la croyance au nom d'Allah et en ses attributs. Cela consiste à croire au nom et attributs qu'il s'est donné à lui-même et que son messager lui a attribué, et cela sans s'interroger sur le comment. Ni négation, ni déformation, et sans recourir à des comparaisons. Allah a dit, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Sourate 42, verset 11. Ensuite, il faut l'unifier et le rendre exclusif à travers ses noms et attributs qui ne reviennent qu'à lui, gloire et pureté à lui. Allah a dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Sourate 27, verset 65. Troisième partie, la croyance en sa déité. Cela consiste à croire qu'Allah est la divinité, le seul adoré, et que toutes les adorations, comme les invocations, inclinaisons, prosternations, vœux, etc., sont un droit exclusif qui lui revient. Cela consiste aussi à l'unifier et à lui attribuer toutes les adorations sans en donner la moindre à autre que lui. Allah a dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Sourate 4, verset 36. Comment le serviteur devient-il muwahid, monothéiste? Sache frère, qu'Allah te guide vers ce qu'il aime et agrée, que le serviteur ne devient monothéiste qu'avec deux choses. Premièrement, il doit connaître le droit d'Allah et lui attribuer exclusivement son dû. Quant aux droits spécifiques d'Allah, ils sont au nombre de trois. 1. Il s'agit des actes spécifiques à sa seigneurie qui ne reviennent qu'à lui. Il n'est permis à aucun serviteur d'attribuer un de ses actes à autre que lui, ne serait-ce à un ange rapproché, ni à un prophète envoyé. Parmi ces actes qui lui appartiennent, il y a la création à partir du néant, le pourvoi aux besoins à partir du néant, la donation de la vie et de la mort, le fait de causer le bien ou de nuire, administrer l'ordre des choses, le fait de veiller à la bonne marche de l'univers, de constituer les règles et de légiférer, le fait de détenir entre ses mains la royauté absolue de toutes choses. 2. Il s'agit des noms et attributs spécifiques avec lesquels il s'est désigné et qui ne sont réservés qu'à lui seul. Il n'est permis à aucun serviteur d'attribuer un de ces noms ou attributs à autre que lui, ne serait-ce à un ange rapproché ni à un messager envoyé. Quant aux noms d'Allah qui lui sont spécifiques, il y a Allah, Al-Ahad, l'unique, Al-Samad, l'absolu, Ar-Rahman, le miséricordieux, Al-Quddus, le pur, entre autres. Tandis que les noms Al-Karim, le généreux, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, Al-Malik, le roi, sont utilisés pour désigner le Créateur ainsi que certaines créatures. Quant aux attributs qui lui sont réservés exclusivement, il y a la puissance absolue. Il est capable de toute chose. L'omniscience. Sa science englobe toute chose. Il connaît l'invisible. L'audient absolu. Il entend parfaitement le proche et le lointain, ainsi que d'autres attributs de sa perfection qui lui appartiennent exclusivement. 3. Il s'agit des adorations exclusivement vouées à lui. Et ceci lui revient de plein droit, car c'est son droit pur. Ses serviteurs lui vouent, lui consacrent exclusivement leur adoration. Et c'est lui qui les a créés, pourvoit à leurs besoins, et leur donne la mort et la vie. Allah a dit, c'est Allah qui vous a créés et vous a nourris. Ensuite, il vous fera mourir, puis il vous redonnera vie. Y en a-t-il parmi vos associés qui fasse quoi que ce soit de tout cela? Gloire à lui, il transcende ce qu'on lui associe. Sourate 30, verset 40. Et il dit encore, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi, atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas d'ego, alors que vous savez tout cela. Sourate 2, verset 21-22. Dans les deux sahihs, Mu'adh ibn Jabal rapporte qu'il était un jour en couple sur un âne derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit « Ô Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit de ses serviteurs vis-à-vis d'Allah ?» Il répondit « Allah et son messager en sont plus informés. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond « Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'Allah ne châtiera pas celui qui ne lui aura rien associé. » Mu'adh répliqua « Ô messager d'Allah, puis-je faire part de cette nouvelle aux gens ?» Le messager sallallahu alayhi wa sallam répondit alors « Ne leur annonce pas, car ils délaisseraient les actes. » Parmi les formes d'adoration qui ne doivent être vouées qu'à Allah, on trouve « ad-du'a », l'invocation, « ar-ruku'a », l'inclinaison, « as-sujud », la prosternation, « al-mahabba », l'amour, « ta'zim », la vénération, « al-khawf », la peur, « ar-raja », l'espoir, « al-inaba », le retour à Allah, Ar-Rahba, le désir. Ar-Rahba, la crainte respectueuse. Al-Khushu', l'humilité. Al-Khashya, la crainte. Al-Tawakkul, la confiance. Al-Tawaf, les tournées révérentielles. Al-Istirata, l'imploration du secours. Al-Isti'ana, la demande d'aide. Al-Isti'ada, la demande du refuge. Al-Nadr, les vœux. Al-Dhabhu, l'immolation. Al-Tahakum, la demande du jugement. Ainsi que d'autres. Et toutes ces adorations ne doivent revenir qu'à lui. Quiconque attribue ne serait-ce qu'une seule de ces adorations à autre que lui est un mushrik, associateur, kafir, mécréant, même si cette personne prie, jeûne, accomplit le pèlerinage et prétend être musulman. Deuxièmement, il doit unifier Allah et l'adorer par le cœur, les paroles et les actes. Car l'adoration d'Allah et son tawahid, monothéisme, sont bâtis sur deux piliers. 1. La mécréance au tarout. C'est le premier pilier de at-tawahid. Et il ne saurait être valide pour une personne avant que celle-ci y mette croix avec son cœur, sa parole et ses actes. 1. La mécréance au tarout. C'est le premier pilier de at-tawahid. Et il ne saurait être valide pour une personne avant que celle-ci mette croix avec son cœur, sa parole et ses actes. Si un serviteur y met croix à travers le cœur, la parole et les actes, alors il sera considéré comme une personne qui a mis cru à Tarout. Mais si l'une de ces trois formes venait à manquer, alors la personne n'aura pas mis cru à Tarout. La preuve en est la parole du Très-Haut. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». Sourate 16, verset 36. L'explication fut donnée précédemment pour démontrer que l'écartement se fait par le cœur, la parole et les actes. Exemple. Si une personne croit avec son cœur qu'Allah est l'unique législateur suprême et proclame cette croyance avec ses paroles, mais après cela, elle commet un acte de mécréance. Par exemple, en mettant en place un législateur qui se partagera avec Allah le droit de fabriquer des lois. Comme une instance législative qui s'attribue le droit absolu de légiférer, alors que ce droit n'appartient qu'à Allah. Alors cette personne deviendra un mushrik, associateur, dans la seigneurie d'Allah, du fait de ses actions. L'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahmahullah dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la religion d'Allah se fait par le cœur, comme la croyance aimée, détestée, par la parole, comme disant et en évitant de dire du kufr, mécréance. Et par les actes, comme accomplir les cinq piliers de l'islam et éviter de commettre des actes de mécréance. Et si une de ces trois choses venait à manquer, la personne serait mécréante et apostat. Voir dans Ad-Durar Saniya Kitab, Hukma al-Murtad, volume 8, page 87. 2. La croyance en Allah l'unique. C'est le deuxième pilier de At-Tawhid. Et il ne saurait être valide pour une personne avant que celle-ci ne croie en Allah avec son cœur, ses paroles et ses actes. Si un serviteur croit en Allah à travers le cœur, la parole et les actes, alors il sera considéré comme un croyant en Allah. Mais si l'une de ces trois formes venait à manquer, alors la personne n'aura pas cru en Allah. L'imam Al-Ajurri, rahmahullah, dans son livre Al-Sharia, a intitulé un chapitre « La croyance est une reconnaissance par le cœur, une affirmation par la parole et une action par les membres. Nul ne saurait être croyant, sauf s'il réunit ces trois manifestations. » En conclusion, une personne devient muwahid, monothéiste, en réalisant deux choses. 1. En reconnaissant le droit d'Allah, et nous avons montré précédemment qu'il y avait trois droits. 2. En unifiant Allah et en l'adorant avec le cœur, la parole et les actes. Et nous avons montré dans la deuxième partie la façon d'adorer Allah à travers le cœur, la parole et les actes. Ainsi, la personne doit remplir toutes ces conditions du reniement de At-Tawhid et toutes les conditions de la croyance en Allah. Mohamed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah dit dans son livre Kashf al-Shubuhat, élucidation des ambiguïtés. Il n'y a aucune divergence sur le fait que At-Tawhid se pratique par le cœur, la parole et les actes. Et si l'une de ces trois choses faisait défaut, alors la personne ne pourrait être musulmane. Il a aussi dit, rahimahullah, pas de divergence dans la Ummah quant au fait que At-Tawhid doit être avec le cœur, c'est-à-dire le savoir, la langue qui est la parole, les actes qui représentent l'exécution des ordonnances, obligations et interdictions. Toute personne à qui manque un des points cités ne peut être musulmane. Si elle admet l'unicité mais ne la pratique pas, alors elle est mécréante, endurcie, tel Pharaon et Iblis. Si elle applique l'unicité dans l'apparence sans avoir la croyance, alors celle-ci est purement un hypocrite, pire que le mécréant. Voir dans Ad-Durar Saniya, volume 2, page 124. Abdullah ibn Abd al-Rahman Ababatin rahmahullah. Le musulman se doit de connaître la sublimité de cette parole, la ilaha illallah, et les conditions qui lui sont attachées. De même que la croyance est accompagnée de la parole et de l'application des piliers. Ainsi, si un de ces points est manquant, par conséquent la personne n'est pas musulmane, comme Allah l'a cité et montré dans son livre. Si la personne est musulmane appliquant les piliers, mais disant une parole, faisant un acte ou portant une croyance contredisant son témoignage, alors celle-ci ne tire pas profit de sa parole. Comme Allah l'a dit à propos de ceux qui ont parlé lors de l'expédition de Tabouk. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Sourate 9, verset 66. Allah a dit à propos d'autres. Alors qu'en vérité ils ont dit la parole de la mécréance et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Sourate 9, verset 74. Majmou' al-Tawhid, Risala numéro 8. Sulayman ibn Sahman rahimahullah a dit « Il est nécessaire que dans le témoignage, il y ait la croyance avec le cœur, la parole avec la langue et l'accomplissement des piliers. Si l'un de ces points est absent, la personne n'est pas musulmane. » Si la personne est musulmane, appliquant les piliers, mais disant une parole, faisant un acte ou portant une croyance contredisant son témoignage, alors celle-ci ne tire pas profit de sa parole. Les preuves indénombrables de ceci sont trouvables dans le livre d'Allah et dans la Sunna ainsi que dans les paroles des savants. Voir dans Ad-Durar Saniya, volume 2, page 350. Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh rahmahullah dit « Les savants de jurisprudence ont aussi dit à propos du jugement de l'apostat qu'une personne peut devenir mécréante par une parole dite ou par un acte commis, et ce même si elle témoigne qu'Allah est unique et que Mohammed est son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle prie, s'acquitte de la zakat, jeûne ou donne l'aumône, elle devient apostat et ses actes sont vains, surtout si elle meurt là-dessus. Mais si elle se repentit avant la mort, alors il y a divergence entre les savants. Ad-Durar Saniya, volume 11, page 586.